tomber à l'eau, c'est un beau petit. D'autant plus qu'il est naturellement parti avec ma meilleure amie. Il appelle son petit lutin, mais c'est une jolie qui a déjà fait passer sur son chemin la diligence, l'autobus et le train. Oui mais, on ne sait pas fâcher. Dure, car c'est une belle. Ce n'est pas pour elle qu'il a de l'appétit, c'est pour ses économies. Mais après tout, si elle est cop, c'est bien fait pour cette qui avait déjà l'âge de la retraite quand je roulais encore en patinette. Oui mais, on s'invite à dîner. Rencontrée dans la rue, elle m'a traité de. On voit clairement pas ses bonnes façons qu'elle a vendu du poisson. J'ai profité qu'on était seul, je lui ai cassé. Car je ne connais pas de meilleur après que le beurre noir pour une gueule de raie. Mais je dois l'avouer, je l'ai regretté. Depuis ce jour-là, plus jamais ils l'ont téléphoné. Mais quelle idée de rester fâché entre gens bien nés. Pas ce qu'ils perdent, après tout je l'ai.